Roger? Un, deux. Un, deux. Hey, savais-tu, mon Roger, que c'était la première émission automne-hiver? T'es-tu sur le gros nerf? Sens-tu la fébrilité? Fais un homme de toi! Puis pars le générique! S'il te plaît. Aujourd'hui, la première émission automne-hiver, monte le volume et hume la différence. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bainfumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! Over stone.

deux fois à l'Olympia de Paris. Ce fut un moment, comme disait René Lévesque, inoubliable. Non, c'est pas René Lévesque qui disait ça. Il a peut-être dit à un moment donné, là, mais non, c'est le général Le Drôle. Tu t'en rappelles, mon Raymond? Raymond, général Le Drôle? Ce fut exceptionnel. C'est lui, ça. T'as la mémoire qui flanche? Tu ne sais plus pourquoi? Rappelle-me-le. Et oui, c'est ça. J'ai eu la chance de la voir deux fois à l'Olympia de Paris. Donc, j'ai vu le premier spectacle très émotif. Elle a pleuré vers le trois quarts de son spectacle parce qu'elle avait interprété une chanson qu'elle n'avait jamais faite et ça l'avait remuée. C'est pour ça que le concert a duré moins longtemps. Mais l'autre après, le lendemain, c'était magnifique. La première fois aussi, mais c'était beaucoup plus musical, moins de narration, moins de discussion avec le public. Et imaginez-vous, je vais juste vous dire ça, c'est qu'il y a un violoncelliste dans... C'est un violoncelliste ou un... Ouais, c'est un guitariste, violoncelliste. Il jouait-tu de la guitare ou du violon? T'étais où, mon Raymond? Perdu dans l'espace? Non, j'étais concentré, mais je crois qu'il... Non, il jouait de la guitare. Et elle l'a repéré dans un métro à Paris où il gagnait sa vie, il jouait, là, il rentrait dans les métros, puis il disait « Bonjour, monsieur, dame, je vous attends. » Donc, bon, là, il jouait. Puis, elle l'a vu là, et elle lui a dit « Vous êtes un homme extraordinaire, vous jouez admirablement. Je suis Mélodie Gardot. J'aimerais vous inclure dans mon spectacle. » Et c'est comme ça que ce musicien-là fait aujourd'hui l'Olympia. Puis il fait des spectacles, des concerts un peu partout, dont les Francofolies, le Festival de jazz de Montréal. Il était là, présent. Et c'est une grande dame. Et puis, à un moment donné, à la toute fin, elle a chanté une chanson pour, bien sûr, représenter l'Olympia de Paris. On se souvient de quelqu'un. Pour les gens qui ont un peu de culture, c'est de... Non, je ne veux pas faire mon... Non, ça, c'est condescendant. Non, c'est con tout court. C'est con tout court. Mais en tout cas, c'est Jacques Brel. Hein? Quand on dit Olympia, c'est Jacques Brel. Ah oui, non, on ne dit pas Michel Courtemieux. Hein? Michel Courtemieux qui chante sa chanson « Après-midi, c'est mardi. » Et « Reviens-moi si tu pars pas. » Hein, c'est grand succès, bon. Ben non, mais on se souvient de... Hein, mais ça serait des titres élogieux. On pourrait faire des succès, gagner de l'argent, être heureux. L'argent rend heureux. Vous saviez pas ça, vous? L'argent rend heureux. On pourrait dire autrement. L'argent nous fait croire que l'on est heureux. Puisqu'il en est rien. Mais là, on va venir à l'Olympia de Paris avant que je me lance et que je quitte en vrille. Là, tu quittes pas, tu pars, toi, en vrille. Tu pars puis tu reviens plus. T'es comme un ballon. T'es un ballon qu'on joue. Puis là, tu tiens entre les doigts, là, puis là, tu vas là-bas, tu vas ouvrir ton pouce et ton index. T'es comme ça, toi. Tu reviens plus. Si tu reviens, ben c'est une erreur parce que c'est comme tu te crois, tu t'imagines un boomerang. Boomerang. Un boomerang. Un rang qui est boom. Boomerang. La chanson de Adamo, oui. Comment ça s'appelle? Étienne Dao, pas loin. Adamo, Étienne Dao, là, on est dans les hauts. Oh, calme-toi, là. Hey, je suis en train de postillonner sur un beau disque là, de Steve, de Saint-Vincent et de David Byrne que j'ai diffusé la semaine dernière. Ah, non, que de bêtises. Alors, je vais le mettre de l'autre côté. Et puis, sinon, c'est ça, quand tu dis Olympia de Paris, tu penses à Jacques Brel, le dernier spectacle de Jacques Brel, hein, où la foule restait là, puis il l'acclamait, et lui est sorti en pas en impair, là, c'est pas Columbo, puis c'est pas un exhibitionniste, mais il est sorti en tenue, là, tu sais, quand tu te douches, là, moi, je mets jamais ça, mais exactement, de nuit, là, en tout cas, je sais pas comment... Hein? Ouais... Non, j'essaie de m'en souvenir. Mais le terme me quitte entre l'esprit et le cortex cérébral. Voyons donc, vous savez, voilà. Hein, tu t'enfiles, tu te l'enfiles en sortant de la mouche. tu prends ta mouche, là, l'eau coule. Après ça, là, tu ne veux pas avoir de serviette. Donc, tu prends ça, puis il y a des manches là-dessus. En tout cas. Et puis là, les gens l'ont vu apparaître. Puis là, il a dit, ah non, là, je ne chante plus, mais merci, mes amis. Bon. Elle a repris, pour venir à ça, la chanson des vieux amants. Ma mère était mourante à Québec. Moi, j'étais à Paris. Je pouvais pas revenir puisqu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas d'avion, tout était complet. Donc, j'ai décidé de me rendre jusqu'à la fin de mon mandat, puisque j'ai des invités que je devais rencontrer à Paris. J'avais 4 jours encore. Et elle a chanté la chanson des vieux amants. Vous vous souvenez? Bien sûr, nous eûmes des orages, 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. Bien, bon. Et moi, j'étais ému, tout le monde était debout, moi, je m'avance. Parce que j'étais par terre. Non, j'étais assis, mais au parterre. J'étais pas par terre encore, là. Non, mais vous savez ce que je veux dire? Bon. Et puis, je me suis levé, comme tout le monde, puis j'ai avancé pour l'avoir un peu mieux. Et là, à un moment donné, les gens se sont assis, mais moi, je me suis rendu compte que je pouvais pas me retourner au banc, il faisait noir. Donc, j'ai continué à avancer. Et elle avait 2 beaux pots de fleurs avec des roses. Mais il y en avait au moins 200 roses par pot. Il y avait 2 pots, ça veut dire 400 roses. Mais il y en avait d'autres en arrière. Et là, moi, j'avance. Hein, je suis près de la scène, je voulais la voir. Et puis, je fondais, j'étais en larmes. L'émotion, bon, de ce qui se passait dans ma vie, tout ça. Et elle m'a regardé. Elle a pris une rose, elle me l'a donnée. Allez voir sur Facebook, vous allez tout voir ça. Et j'étais extrêmement ému. Encore aujourd'hui quand j'en parle. Donc, c'est ça, c'est un spectacle mémorable. Mélodie Gardeau. Et puis, oups, oh, attendez-vous ça, c'est bizarre, hein? C'est comme une chanson qui vient d'ailleurs. Oh! The rainbow, way up high, there's a land that I've heard of, once in a lullaby, no, somewhere over the rainbow. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind. Birds fly, oh, Madame Mélodie Gardot. Oui, saviez-vous que c'est un standard, hein? Over the bimbo, hein? Over the bimbo, l'éléphant volant. Over to the bimbo and fly on. Over you, little passenger, and upon your time. Ça, Raymond, on arrête ça là. Excusez-moi, je suis excité comme une. Comme une plume. Mon truc en plume. Non, c'est. Vous savez la chanson de Zaza, Zizi, Zozo, Zizi, Zizi, Zizi Jeune-Mère. Elle s'appelle Zizi Jeune-Mère. Ça s'invente pas, Zizi Jeune-Mère. Mon truc en plume. C'est droit par rien. Le pou-pou-pou-pou, c'est les trompettes. Mais j'ai pas le budget, moi, pour acheter des trompetteux. J'ai appelé Louis, je dis mort. Hey, Louis! T'as-tu le numéro de Louis? On va le contacter. Oh, oui, je sais. On n'a pas de problème avec ça, nous autres, le pararénal. Les piles sont à terre. Les piles sont à terre. Ça n'a pas de bon sens. On fait une émission, les piles sont à terre. Ça a été oublié, puis on n'a jamais fermé. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On l'appelle? Non, on peut pas l'appeler. Bon, Louis. T'es chanceux, mon Louis. On ne te dérangera pas dans ton sommeil profond. J'ai essayé de contacter Louis, mais on peut, pendant ce temps-là, changer de... OK, je vais faire l'impro, là, mais... Mélanie, peux-tu prendre le... Non? Elle sait pas où sont les piles. Ah, mon Dieu Seigneur. Veux-tu prendre les micros? Mélanie, ma chérie! Elle savait pas que c'était ma chérie. Là, elle vient de l'apprendre. Elle va s'évanouir. Mon Dieu, elle m'envoie des bécos. Gilbert! Lâche-la! Lâche les bécos! Gilbert Bécos! Jeu de mots! Tu connais pas Gilbert? T'es trop jeune! Tu prends des stagiaires de 19 ans, ça connaît pas ça, Gilbert Bécaud, là, hein? Ça connaît pas non plus Adamo, ça connaît pas le grand monde de la musique! Tu connais juste les pouilleux de ton époque! Les pouilleux, tu connais les pouilleux? On va y nommer les pouilleux! T'aimerais ça que j'en nomme, hein? Tu veux me faire barrer de CKRL? Quoique même. J'ai même pas peur parce que CKRL fait pas jouer ça, ces pouilleux-là! Ça demande une certaine hiérarchie intellectuelle! Tu vas en avoir avec les années, fais-toi-en pas. Tu vas en avoir, tu vas te forger. On appelle ça se forger. Je suis rendu en fer. En fer forgé. Je rouille tranquillement. 51, 50, j'ai combien, combien que j'ai? J'ai mal à gorgotte. Non, je crie parce que ça me tient réveillé. À cette heure-là, si tu cries pas, les voisins aiment ça. Aimez-vous ça? Mais ils peuvent pas, je suis tout seul et je me suis construit parce que là j'ai amélioré mon studio. Vous savez que ça se passe au studio des Abeilles dans la vieille capitale, mais moi j'ai construit au-delà de mon studio un sarcophage insonorisé. C'est important que ce soit insonorisé. Voulez-vous que je vous le montre? C'est important. Je peux vous crier ça, moi, là. Je peux vous crier ça? Il est quelle heure? Minuit chrétien, c'est là le solennel! Ça peut pas être plus, hein? Bon. En octave, si je mets ça devant le micro, là, ça va vous cracher, ça va vous briser vos enceintes acoustiques, puis je peux pas vous payer vos enceintes acoustiques, malheureusement. Parce que là, vous allez déclarer quelque chose de plus cher que ce que vous avez. Normalement. Règle générale, tu dis... Ouais, mais moi j'avais des pouf! Ça, c'est la marque. Mais j'aimerais ça avoir des pouf! Puis là, on va faire croire que c'est pendant qu'il criait, lui, là, le malade, là, parce que c'est un malade, ce gars-là. On l'a sorti, puis tout le monde le sait depuis 16 ans. On le sort de sa maison de repos. On n'a même pas à le réveiller. Il dort pas. Il est réveillé. Il a les yeux ouverts constamment 365 jours par année. Le seul moment où il se les ferme, pas sa bouche, mais ses yeux, c'est au bissextile, aux 4 ans. 24 ans aux 4 ans qu'il se ferme les yeux. C'est pour ça qu'il est aux gouttes, lui, là. Il est au compte-gouttes. Pendant toute sa vie, il se compte et il se place des gouttes. La sécheresse oculaire. La sécheresse buccale, c'est autre chose. Il fait semblant de faire le mort. Il fait le bouche-à-bouche, donc il y a de la salive qui circule. C'est un pervers. Ça a toujours été un pervers, même s'il n'aime pas le verre. Et il dit que le verre amène le verre. Le verre amène le verre. Ça, c'est Clémence qui disait ça pour son père. Et elle disait que son père écrivait des vers, mais il en buvait beaucoup plus quand... Ça, là, ça veut dire qu'il y a une fatigue chronique de ma part. Là. Enfin, j'étais un bègue. Aujourd'hui aussi, là, ça n'a pas changé. Mais pour savoir si c'est c'est vrai, je vous le jure. Je vous le jure sur la tête de Tony Bennett, la semaine dernière. Avez-vous connu Tony Bennett la semaine dernière? Vous avez manqué la dernière émission. Oh mon dos. Vous irez pas. Quand vous allez trépasser, vous resterez dans les limbes, même si on a enlevé cette structure du monde psychédélique. Là. Hey, les limbes, mon Raymond, c'est rendu une structure psychédélique. C'est-tu beau, le psychédélisme? Y a-tu des belles choses dans le psychédélisme? Je sais pas, tu connais rien dans le psychédélisme. Nomme-moi un groupe psychédélique. Oh! Voilà, il dit de Sonic, des THE. On dit The Sonic. Moi, je suis un bilingue, moi, là. À cette heure-là, je suis bilingue. The Sonic. C'est sûr, quand j'entends un anglais, il me dit pas The Sonic. Il dit The Sonic. The Sonic. Tu dis, voyons donc. T'as-tu un problème de langue? Je suis anglophone. Ah! Tu parles l'anglais. Ah! Ah, mon Dieu! Hey, c'est bien mieux le français. Le français, on s'exprime avec beaucoup de dextérité. on peut franchir des barrières linguistiques, on peut traverser des métaphores, on peut aller chercher la virgule et frapper le point. Hein? On peut aller chercher la virgule, frapper le point. Peux-tu prendre ça en note, ma petite fille? Ma stagiaire, excusez-moi. Ouais. OK, oui, je sais, t'as le crayon. Tu veux que je te le répète, ce que j'ai dit? Frapper la virgule et mancher le point, je ne sais plus. Je ne sais plus. Ah non, je ne sais plus. Oh, je suis rendu, alors je suis parti. Hey, sur le Québécois. T'es-tu sûr que t'étais sur le Québécois? J'étais derrière le Québécois. Et puis, mais quand je l'ai vu arriver, j'ai eu peur, là. Quand tu vois arriver un Québécois, tu sais pas ce que c'est. T'es devant le point d'interrogation. Quand t'es un moindrement connaisseur ou comme moi, à la recherche de la connaissance, tu veux aller vers, mais sans aller trop vers, pour ne pas revenir six pieds sous terre. Donc, tu t'approches lentement, tu sais, comme une curiosité absurde, en disant « Avez-vous l'heure? » « Pardon? » « Avez-vous l'heure? » « Pardon? » « Avez-vous l'heure? » »« L'heure. » « Avez... » Ah, mon Dieu, c'est en anglais. Ou en anglais. « Avez... »« Avez... »« Hour. »« Hour. »« Hour. »« Hour. » »« Pardon? » Mais en même temps, si ce serait une anglaise, elle dirait pas pardon. Elle dirait pardon. Mais non, c'est parce que je veux pas vous approcher. Bon, vous, non, mais moi, écoutez, je suis blanc comme neige. Je suis blanc comme dextrose. Connaissez-vous ça, dextrose? C'est pas une maladie. C'est pas une nouvelle drogue. Ben, en fait, c'est du sucre que tu places dans ta cuve à bière pour faire des bulles ou pour augmenter le taux d'alcool. Il connaît ça, la bière. Je suis un brosseur de bière, moi, depuis, je vous ai... La semaine dernière, je n'en ai pas parlé. Mais là, maintenant, j'ai le goût de vous le dire, là. Je suis un brosseur de bière, moi. Il y a des brosseurs de schnout. Moi, je suis un brosseur de bière. Puis peut-être, un moment donné, une de mes bières sera de la schnout. Mais depuis, toutes les brassées, toutes les cuves que je prépare, c'est de l'exceptionnel. C'est pas juste moi qui le dis. Même, il y en a une qui est pas dans mon style. Une blanche. Ben tranquille. Tu sais, une blanche, là... 5,5 degrés. Si vous voulez, c'est 5,5% d'alcool. Ça me reconnaît pas. Pas crémeuse, pas de goût là, de qui insiste en bouche. Là. Une bière qui coule de source. Là. J'en ai fait 44. Mon beau-frère l'a adoré. L'a fait partager à des amis, même au voisin d'à côté. Le voisin d'à côté, c'est pas n'importe où, là. C'est pas le film de Truffaut, là. La femme d'à côté. Quoique là. Moi, la femme de côté, moi, ça serait la femme d'en avant. J'ai donné un porte-clés quand je suis revenu de Paris. Puis elle a un enfant. J'ai donné même un gaminet pour son bébé. Mais là, je n'étais pas certain. T'sais. Je l'avais vu une fois, c'est une petite fille. Puis elle avait un an. Elle a un an. Et je me suis dit, un an. Quelle grandeur, un an. Fait que là, je suis arrivé avec ma bouteille de vin au magasin de linge de souvenirs à Paris. Et puis là, c'est vrai, je vous le jure, je voudrais même pas vous l'inventer. Tu sais, les gens, je me dis, pour faire une bonne émission, il faudrait que j'ai plus d'expérience. Toutes sortes d'expériences, pas des... En tout cas, j'ai aucun... Aucun quoi? Pas aucun... J'ai aucune... Je suis ouvert à tout. Toute expérience est bonne pour relater ça ici à la radio, puisque c'est comme dans un... Quand tu prends un train, Jean Gabin, tu viens? Tu te souviens de Jean Gabin? Le film exceptionnel où il est chauffeur de train, qui s'appelle La bête humaine. C'est ça, tu veux alimenter le train, tu veux qu'il roule. Fait que moi, j'écoute... Depuis ce temps-là, je m'en vois des spectacles punk là, dans des lieux, là, sous ça, là, ils sont 8. Ah ouais! Là, je me dis, ouais, je ne sais pas si c'est bon pour mon alimentation intellectuelle. Mais pourquoi pas? J'ai rien, moi, j'ai aucun a priori. Aucun a priori, tout est bon. Comme on dit souvent, comme disait mon ami Jean-Claude Dreyfus, mon ami Jean-Claude, qui a du vin actuellement, hein, depuis, pas actuellement, mais depuis 4 ans, un vin qui porte son nom, le Dreyfus. Jean-Claude Dreyfus, que vous avez vu dans Délicatessen, qui est le boucher dans Délicatessen, qui est aussi un homme de théâtre, qui joue très bien la femme, puisqu'il se déguise, il se transfigure, qui se transforme. C'est un transformiste. Et puis, un homme adorable, extraordinaire, humaniste. Il nous a chanté des chansons. Si vous êtes assidu à mon émission depuis Belle Lurette, il nous a fait de mélopées que je diffuserai peut-être à un moment donné lorsque je ferai des archives. Tu sais, quand, comme disait la chanson de Gainsbourg, « Quand je serai vieux... » Il faudrait que je la trouve, la chanson... voyons donc, excusez-moi, je suis comme une fille qui travaille avec moi, tu sais, elle finit pas ses phrases. Elle finit pas ses phrases, puis elle fait le puis là, en faisant le elle cherche, mais moi je veux combler parce que je trouve ça long son discours. Tu sais, elle dit m'apporterais-tu le balai? Ah, c'est ça, le balai. Elle trouve pas ses mots, elle est pas capable de trouver ses mots. C'est difficile à écouter ce monde-là, là. Difficile à écouter, puis difficile à laisser parler. Parce que tu dis, hey, voyons, accouche qu'on baptise. Mais ils ne savent même pas ce que c'est, accoucher. Peut-être qu'ils n'ont jamais baptisé. On est dans une eau trouble. Toujours trouble. Mais heureusement qu'il y a des gens qui sont limpides comme la musique, limpides comme le punk rock déjanté, que j'adore, de mes amis, que je diffuse quelquefois à l'occasion, pour le plaisir de me faire plaisir. Puis encore aujourd'hui, on se demande, même si on n'est pas punk, hein, parce qu'on n'est pas obligé d'être punk pour se poser la question, avons-nous un futur? Y a-t-il un futur? Allez, un peu d'énergie, là! Ah, c'est mieux, là! Oh, yeah! En accord avec ma conscience, j'adhère à la désinvolture. Qu'importe si ma figure subit le temps et les jours. En refusant les apparences, je me la joue nature. La seule chose dont je me vante, ne pas faire dans l'imposture. Yes, yes, que tu sois quelqu'un de bien ou une belle ordure. Yes, yes, avec certains, ce sera plus dur. Yes, yes, que tu sois molle ou bien dur. Yes, yes, vous êtes vraiment sûr? Oh yeah! Ah, c'est mieux là! Ah. Avant qu'elle tourne en pourriture, je savoure la confiture. Malgré les murs, les clôtures, j'ai le désir d'aventure. Me défaire des vieilles rancunes. Ah, mais je vois qu'il en reste une. Alors j'évite la bavure, je la fous direct au vide ordure. Yes, yes, que tu sois quelqu'un de bien ou une belle ordure. Yes, yes, avec certains, ce sera plus dur. Yes, que tu sois molle ou bien dur. Yes, yes, vous êtes vraiment sûr? Ah. Même pour une caricature, de se faire la guerre, ni subir la torture, et qui cassent nos congénères, par leur mérite ou leur posture, éduqués ou hétéros, on n'en a jamais de trop. Comment vois-tu l'avenir? Des fois ça me fait plus trop rire, car c'est vraiment le bordel. Que tu sois quelqu'un de bien ou une belle ordure. Quelqu'un de bien ou une belle ordure. Avec certains, ce sera plus dur. Que tu sois molle ou bien dur. Vous êtes vraiment sûr? Ah, toi, ça te fait rigoler. Oh là là, vous êtes pas drôle. Yes, que tu. Pourquoi? Thank you. imaginez-vous que pendant la chanson de Raoul Petite, parce que c'est ce groupe extraordinaire que j'adore et qui m'aime aussi. Mais ça, je ne sais pas s'ils m'aiment aussi. Mais en tout cas, moi, je les adore. Et vous savez, tantôt, avez-vous suivi? Êtes-vous là depuis le début? Vous n'êtes pas endormi, au contraire? Non, mais moi, non. Mais moi, t'expliquer ce qui se passe. Là. Depuis le début de ton émission. Pardon? Depuis le début de ton émission. Depuis le début de mon émission, oui. J'essaie de comprendre. OK, de comprendre. Le but de ton émission. OK. T'essayes de trouver le fil Ariane, le fil conducteur, c'est ça? Non. Veux-tu que je te le dise? S'il te plaît. Pardon? S'il te plaît. Tu voudrais savoir le fil Ariane? S'il te plaît. Le fil conducteur de cette émission? S'il te plaît. Il n'y en a pas! Excusez-moi. Je ris comme Yvon Deschamps. Après son 378e spectacle. À l'époque, là. Ça fait que pour les gens qui m'ont suivi depuis le début, j'ai oublié de prendre un jus d'aloès. Savez-vous pourquoi le jus d'aloès? Non? Allez voir sur Internet. Non, mais le jus d'aloès, c'est simplement pour dilater les amygdales. Et je vous reviens après. Vous préféreriez-vous entendre une autre chanson? Non. Ah, peut-être, hein? Non. OK. Mais dans mon cas, ça ne change rien parce que j'ai pas d'amidale. C'était ça le gag! J'ai dit, je vais prendre mon jus d'aloès. Je vais le dire au public, c'est pour calmer. C'est vrai, c'est pour calmer les amygdales. En fait, si j'en avais. Est-ce que ça existe, si j'en avais? Si j'en avais les larmes aux yeux. Non, si j'en avais. M'allez voir, m'en vous le dire. Si j'en avais. Je suis sûr que ça n'existait pas. C'est pas du français, c'est de l'étrangeté. Si j'en avais. Si j'en avais des navets, j'en mangerais, hein, s'il vous plaît. Si j'en avais la possibilité. Des erreurs, j'en ai fait. Règle d'orthographe de la grammaire. Si j'en avais. On va aller dans actualité, c'est ça, on va voir si... J'en avais. Une très belle au camp de base. Hein, c'est quoi ça? Coupe du monde. J'en avais une très belle au camp de base. Mon Dieu, c'est-tu érotique, ça? J'ai été victime d'une agression sexuelle quand j'avais 6 ans. Ouais, qu'est-ce que c'est? Hubert Lenoir, continue. Si j'avais. J'ai demandé. Caucus. Hein? Voyons donc. On regarde la photo, c'est quoi? C'est douteux, la photo? Non, parlez entre vous. J'ai demandé au caucus volontaire pourquoi aime voir les femmes trompées. Hein? Ah oui. En tout cas. Ah, c'est le site. Ah, hein? OK. Hey, excusez-moi, je suis en train de regarder les internets. Mais allez voir www.vice.com. Je veux que ma femme. Ah oui. Il dit, je veux que ma femme couche avec des hommes au hasard, mais ça lui brise le cœur. Ben voyons donc. En tout cas, ça c'est un Australien. L'article original a publié Vice Australie. Ah ben. Moi je dis que c'est surtout des auteurs qui veulent écrire dans la plus grande ouverture et puis tout ça. Des fuites dévoilent comment Facebook a choisi les pages. Bon, OK. Non, je suis en train de vous lire ce qui se passe sur Facebook, puis c'est pas ça l'intéressant. C'est que j'ai rencontré... On va faire un montage, hein, Raymond, s'il te plaît. Raymond, reviens à nous. Reviens, Raymond. Peut-être que ça n'aura jamais lieu, cette émission-là. Pour la bonne continuité des Rances Rénadiennes sur CKRL. Mais sinon, j'ai Claude Nougaro. Pas Claude Nougaro. Hey, Louis Armstrong. Quoique Claude Nougaro puis Louis Armstrong, hein? Dans le zéro, temps, je suis noir de peau. Tant, tant, tant, tant, pam, pam. quelques coulins de pente, t'attends la parlante. Loé, Loé, viens, viens, viens, viens. Ça, c'est loin. Ça, c'est Nougaro qui chante une chanson pour venir, pour acclamer Louis Armstrong. Que tu sois là-bas. Mais en tout cas, moi, je vais. Moi, si j'étais quelqu'un, je pourrais l'interpeller. C'est ça. On va appeler Louis Armstrong. Louis Armstrong, la trompette. Parce qu'on n'avait pas les moyens de nous payer un vrai trompettiste. On s'est dit, si on va dans le trépas, hein, si on s'en va voir des gens qui ne sont plus là, ça va coûter moins cher. Moi, je suis branché là-dessus parce que depuis, oh mon, depuis trois mois, il y a juste des morts dans ma vie. Des morts solides, là, pas la petite femme d'à côté qui a rencontré le beau-frère de Ginette. Deux femmes très solides dans ma vie, ma mère et ma blonde sont décédées. Donc, on va appeler, ben, il va dire, hey, il est complètement, ce gars-là, il est siphonné. Il est siphonné, il n'est plus capable, il n'a pas rencontré de Tsi, de Ticola, parce que les Tsi sont pour lui, ils sont bons, oui, il a rien contre. Mais il dit qu'il est peut-être un peu... Oh, Louis! Louis Armstrong! Oh, je vous parle de l'infini! Oh, Louis, comment ça va? Ça va bien? Hey, je suis très heureux. Mon nom est Reynald. Reynald Gagné. R-A-Y-N-A-L-D. Q-U-E-B-E-C. Non, ça, c'est Reynald Québec. Ça, c'est mon... Êtes-vous branché sur les internets, vous, là-bas? Vous êtes branché sur les internets? Avez-vous des Facebook de mort? Ben, voyons donc. Peux-tu avoir ça ici sur Terre? Allô? Oui, on peut avoir ça. Voyons, quelle est l'adresse? Pouvez-vous me le dévoiler dans... Parce que ça ne peut pas être public, hein? Vous n'osez pas dévoiler ce côté un peu obscur, là. Vous voulez me l'offrir pour moi? Oh, Monsieur Armstrong, heureux de vous parler. Premièrement, vous me dites que ça va bien. La santé est bonne? C'est spécial, là. Tu demandes à un mort, la santé est bonne. Non, mais là, j'ai des frissons dans le gorgoton, dans les amygdales. Moi qui n'ai plus d'amygdales. La santé est bonne et on te dit oui. Deuxième question, attention. Journaliste, prenez votre crayon. Comme disait Ferré, poète, vos papiers. Louis! Il y a une santé après la vie? Ouh. Là, il se passe quelque chose à CKRL actuellement. Là. J'espère que tous les médias vont en parler. Pas juste les médias sociaux, ça n'importe quel ticoun. J'ai entendu Didi, ré, nanana, et j'ai parlé avec Louis Armstrong. Il était pas dans la lune, là. C'est pas Louis Armstrong, c'était pas lui, là, l'astronaute. C'est Louis Armstrong, le chanteur, le trompettiste célèbre. C'est toi, mon Louis! Bon, tu vas toujours bien? Hey, là, tu m'as dit, faut pas que tu prolonges trop longtemps parce que t'as une partie de bingo. Bon, attendez, là. Tu m'as dit, hey, puis t'es un ami de Rose Ouellet? Hey, Rose Ouellet, une comédienne québécoise, elle a fait quelques chansons, dans l'humour, dans l'absurde, et puis elle était une femme quand même assez rigolote. Qui a fait sa marque dans les années 50, 60, 70. Grimaldi était là. Grimaldi est avec vous? Ben voyons donc. Gilles La Tulipe aussi? Suzanne Lapointe? Ben voyons. Le théâtre des variétés, as-tu été monté là-bas? Ben voyons. Hey, j'ai appris d'une source sûre. Parce que là, moi, j'ai des sources même... Au-delà, de l'au-delà, Satan a mis le feu au théâtre de variété au ciel. Est-ce que c'est vrai? J'oserais pas vous dire parce que là, j'ai peur un peu de la réponse. Est-ce qu'il y a des morts? Il y a des morts! Lorsqu'on est mort, on peut mourir plusieurs fois! Ben voyons donc, mon Louis Armstrong préféré, je t'embrasse la trompette, j'espère que ça passera pas. Non, non, c'est parce que quand je te dis je t'embrasse la trompette, en voulant dire l'instrument qui t'a fait connaître, non pas à travers les femmes, mais à travers la musique. Oh, j'ai eu chaud. Hey Louis, je sais que ton bingo commence dans quelques minutes. Hey, tu diras bonjour, puis là, je l'embrasse d'une manière quand même très virulente. Hein? Est-ce que t'es-tu gêné de l'embrasser avec beaucoup d'intensité? Oui, bon, ben tu lui serras la main, OK? À ma belle, très, très belle et talentueuse, chanteuse, québécoise. Et là, je suis très ému, parce que je n'ai même pas vu la place de passer. Mais je vous pensais, mais en même temps, j'ai vu la partie, mais là, pas mal, il est décédé, couché par terre. Moi, j'étais là, mais j'étais là, mais pas là, parce que j'ai dit, c'est pas vrai, t'es pas mort, je la pompais, t'sais, avec le cœur, là, t'sais, moi, j'ai eu des cours prénaté, en tout cas, j'ai été pris. J'ai préenregistré aussi tout ça parce que j'étais ému. Mais tu vas pas mourir. Elle me dit, ben non, tu vas pas mourir. Ben non, lâche-moi. Ah ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, y a rien, voyons donc. J'ai glissé sur une pelure de banane. Ça fait rire le public. Mais voyons donc, toi. Mais fais-moi pis ça, Dominique. Ben non, c'était Dominique Michel. Es-tu rendu en haut? Ben non, c'est pas vrai, t'es en bas. Ah ben du plaisir. Hey Louis! Ouf, on va couper ça. Louis! On coupe pas ça. Louis! T'es-tu aussi Armstrong qu'avant? Hey, merci mon ami. On pourrait finir par Wonderful World, mais on le fera pas. C'est trop facile. Nous autres, à Errance Canadienne, là, sur CKRL, on veut pas être facile. Ses esclaves noyés dans l'ébène, qui seront les témoins muets de cette scène, tandis que là-haut un miroir nous réfléchit. Lentement j'enlace mélodie. Aujourd'hui, pour cette première émission, je vous propose l'humoriste Stéphanie Jaroux qui nous parlera de son travail de comédienne et de... Oui, de comédienne qui veut aussi, à travers le rire, faire prendre conscience de certains malaises sociétals. Non, la recommences-tu celle-là? Non, non, on la recommence pas, Raymond. C'est comme ça. Tu t'es trompé, t'as glissé sur ta pelure de banane. C'est pas ça. C'est pas ça. Je vais vous dire la vérité. La vérité! Si on sait que, il y avait la chanson de Gainsbourg. Puis là, je devais embarquer. Quand tu dis embarquer, je devais me fondre à la musique. Et là, j'étais comme hypnotisé. Et je me suis dit, Reynald, veux-tu arrêter la pièce musicale et après entreprendre le discours? Là, j'ai de l'expérience, moi, là. Hey, je suis pas né de la dernière pluie. Puis même si ce serait de la dernière pluie, c'est la pluie la plus fraîche. L'ancienne, là, ça devient boueux, ça devient non comestible. Donc, je recommence. Aujourd'hui, je vous propose l'humoriste Stéphanie Jaroux. Qui est-elle? Je viens de vous le dire, c'est une humoriste. Mais qui a voulu, à travers son travail, faire prendre conscience de certains malaises de notre vie, de notre existence. Et j'ai eu le grand plaisir de la rencontrer. Et je vous la propose maintenant. Donc, laissons la place à quelqu'un qui a des choses à dire. Nicole Croisy lance un grand rire de pacotille. Que de belles filles. 15 jours à Cannes, tout est possible. Dans les coulisses du festival, pénétré d'un vent de scandale. Le regard d'Élodie Boucher, tu sais que tout peut arriver. À la buanderie du Martinez, tu ne te sens pas très à l'aise. Tu viens juste de rencontrer David Lynch très mal coiffé. Le sable blanc et les palmiers, Catherine de Neuf, 30 ans passés depuis longtemps. Faye de Neuwer en bikini avec ton meilleur ami. Où Où sont donc passées les starlettes qui sont ces salopants en goguette? Le malheur sur la Côte d'Azur, c'est que jamais rien ne dure. Un sosie de Juliette Gréco hante cette année le Negresco. C'est un jeune dandy décadent qui aime les cocktails au rhum blanc. Dans une voiture décapotable, dans ton beau costume estival, à l'aise dans la démesure, as-tu trouvé l'amour? Au bras d'Isabelle Adjani, tu toises la foule et tu souris. Quelle belle démarche! Tu viens de monter les grandes marches. 15 jours à Cannes, tout est possible. 15 jours à Cannes, tout est possible. Ça va? Oui. C'est oui. Cool de se voir. Et puis ma chevelure. Ouais. C'est pas mal ça. Oui. J'ai une amie chanteuse qui l'a appelée la chatte. Ok. Alors voilà, je la présente. Alors comment ça va? Très bien. Écoute, fait beau? Oui. On est presque en vacances. C'est la plus belle journée. Il paraît. Ben, en tout cas, depuis que je suis arrivé. T'es arrivé quand? Jeudi. Ouais. Donc, mais pas un nuage, regarde ouais. ça. Ouais. Mais est-ce que ça te dérange d'être plombé au soleil? Ah non, pas du tout, au contraire. Ouais. Moi non plus. Ouais. C'est, ça fait du bien. Ouais. On se remplit d'hypophyses. Ouais. Ouais. Oui. Alors? Alors quoi? On commence? Ouais. Stéphane? Enfin, oui, vas-y, alors quoi? T'es pas venu me voir, du coup? C'est non, dommage. Non. Ouais. Parce que, en fait, j'ai des horaires que je prépare au Québec avant d'arriver ici. D'accord. Et le problème là-dedans, c'est que, oui, ça me réfère. Oui, est-ce que tu veux prendre quelque chose? Oui, je veux bien. OK. Elle va revenir. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Je vais la reprendre au retour, tu vas voir. Donc, ouais, c'est ça. J'avais déjà préparé des rencontres et j'avais un spectacle. Ah, j'avais Tony Bennett, c'est ça, hein? Oui. C'est ça. Ouais. Donc, Tony Bennett à l'Olympia, je me suis procuré des billets croyant que ça allait être à guichet fermé ouais. au mois de janvier. Ah oui. Mais au bout du compte, il restait encore quelques places, mais... Ouais. Ouais, ben oui, oui. Donc, oui, je t'ai manqué, ouais. mais... Monsieur, dame, est-ce qu'on a trouvé une petite pièce? Non. Désolée, j'ai rien du tout. Donc, j'ai dû refuser, ça ouais. c'est... Ouais. C'est pas la première fois qu'il me demande. Ah, donc, t'as pas reconnu. Ben, pourtant. Ouais. Hein, ouais. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai malheureusement j'ai pas pu me pointer à ton spectacle. Ouais. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ton cas, c'est que tu as tout balancé pour faire ça. Oui. Enfin, tout balancé, pas tout. Non, mais, je veux dire, ta vie sentimentale, non. Non, c'est mais ça. Mais ta vie professionnelle. Les enfants, non. Non, mais non. Mais la vie professionnelle. C'est parce qu'ils sont trop lourds pour la cigogne. Oui, pour l'instant, oui. Ouais, non, mais ils peuvent pas repartir, la cigogne. Elle a un poids maximal, donc elle pourrait c'est pas... C'est ça, exact. Puis on les aime tellement. Mais, oui. Ben oui. Puis de toute façon, ils reviendront en boomerang, tu sais. Oui, fait, à 18 ans, ils vont revenir croyant qu'ils... C'est ça, croyant qu'ils peuvent se barrer, mais en fait, non. Non, c'est donc, ça. Tu gardes tout le temps la chambre. Exactement. Hein? Jamais changer ça en autre appartement parce qu'ils reviendront. Donc... Oui, j'ai tout largué. Enfin, oui, ça fait... Je suis dans ma troisième année. Oui. Et j'ai tout largué pour monter sur scène, exactement. Mais ce qu'il ne faut pas oublier là-dedans, c'est que... Lorsqu'on plusieurs rêvent de changer, mais de là à mettre faire. Ça dans l'action. Ouais. Et toi, dans ton cas, tu avais des enfants, tu avais déjà quelque chose dans ta vie, dans ta vie oui, personnelle. Oui. Ouais. Donc c'est doublement difficile. Mais je ne sais pas si c'est doublement difficile ou si c'est plus facile. En fait, je crois que j'aurais jamais pu monter sur scène si j'avais pas eu la vie que j'ai eue. C'est-à-dire 15 ans d'une vie professionnelle assez réglée. Alors réglée, voilà, j'ai toujours travaillé dans les médias, la pub, donc c'est quand même des milieux un peu costauds. Hein. Donc c'est très payant. Oui, aussi. Mieux. Plus. Ben oui. Oui. Ben oui, ça n'a rien à voir. Non, non. Là, tu t'en vas en galère, tu te dis, là, après 15 ans, ouais, est-ce c'est que ça, je c'est... suis prête à m'engager dans quelque chose d'aussi extravagant? Oui, et d'aussi peu, finalement, sécurisant. Ou sécurisant. Mais ce qui est drôle, c'est que ce qui est encore plus, dans mon cas, ce qui était encore plus sécurisant, c'est de rester là où j'étais. C'est-à-dire? Ben, je pense que si j'avais continué mon métier, et non pas, je regrette rien du tout, j'ai adoré ce que j'ai fait, mais je pense que à terme, ce serait devenu insécurisant pour moi. Ok. Il n'y avait plus de... Pourquoi c'est insécurisant? Parce que, je pense que les assises, toi, t'endormes. Oui, mais je pense qu'au-delà de ça, je crois que je me suis réveillée à 37 ans, un petit peu en avance par rapport à la fameuse crise du milieu de vie. Comme si on doit en avoir une. Oui, pas obligatoirement. Pas une vie, mais une crise. Mais oui, mais peut-être qu'il y a quand même peut-être quelque chose qui se passe à ce moment-là dans la vie des gens, tu vois. Le milieu de vie, est-ce que c'est hormonal? Est-ce qu'il y a une combinaison de plein de trucs, à mon avis, tu vois. On parle de la crise d'ado, pourquoi pas, cette crise-là? Pourquoi un adolescent doit vivre des... Moi, j'ai jamais vécu ça. Ouais, toi, non. Oui, oui, bah, d'une autre façon, mais puisque j'ai un parcours un petit peu particulier, mais... Je pense qu'il y a de toute façon des mouvements qui sont internes, externes, etc., qui nous font changer ou qui nous amènent à réfléchir différemment. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais une quinzaine d'années de vie professionnelle. J'avais bouclé le cycle de mes maternités. Donc, j'avais trois enfants. Tu n'en veux pas plus, ça s'est terminé. Après trois, c'est terminé. Je ne sais pas. Mais la question de la maternité est une question un peu délicate. Okay. Mais en tout cas, j'ai eu le sentiment de boucler quelque chose. Il y a forte chance que j'en ai plus d'autres, hein, effectivement. Mais ça reste un peu douloureux, ce sujet-là. Se dire qu'on ne peut plus donner la vie, déjà donné trois fois. Voilà, c'est ça. C'est assez, non C'est bien, non C'est ça. Et la dernière, je l'ai allaitée. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais je n'avais pas allaité les deux premières. Donc, je pense qu'être allée au bout de ça, ça a fini de... Le processus maternel a été... Exactement. Et donc, du coup, ça m'a laissé de l'espace pour autre chose. Et cette autre chose était là depuis bien longtemps. C'était de monter sur scène. Pourquoi monter sur scène? C'est le rêve de ma vie. De c'est un rêve de petite fille. C'est pas de me montrer, en fait. C'est de faire rire les gens. Parce qu'en fait, c'est ce que j'ai toujours fait quand j'étais petite. Je faisais des spectacles à la fin des vacances d'été. Ah oui. Avec mes frères, mes sœurs, les cousins, les cousines. Alors, on faisait des trucs, tu vois, on se déguisait, on faisait les chanteurs, on faisait des sketchs. Ouais. Donc déjà, il y avait cette envie de faire rire et de rassembler. Parce que j'ai une enfance un petit peu compliquée. Avec, est-ce que tu en parlais, non? Ben, j'en parle en fait dans mon TED. Ouais. J'ai fait un talk l'année dernière à Bobino, donc je reviens un peu sur mon parcours de vie, sur un parcours, voilà, j'ai souffert de troubles du comportement alimentaire, une vie familiale un petit peu compliquée avec pas mal de douleurs, et je pense que moi j'étais une enfant qui jouait beaucoup, j'ai beaucoup joué jusqu'à très longtemps, j'ai joué au Barbie, j'ai joué... jusqu'à presque 14 ans, tu vois. Okay. C'était un peu honteux d'ailleurs, tu sais, à 14 ans. Ben non, ben écoute, si t'as une... Non, mais bon, okay. C'est, tu vois, donc j'ai dû ranger ça, mais à contre-cœur. Okay. Ah, tu serais encore... Oui, moi, je pense que j'aurais pu continuer de jouer longtemps. Je jouais avec ma soeur jumelle, Delphine, et on avait un monde qu'on s'inventait, quoi. Et je pense que le jeu, le fait de faire rire, ça nous a certainement permis... Sortir de... Oui, et puis les études aussi. Difficile. Voilà, c'est ça, un peu de sublimer ces douleurs. Et je pense que ça, je l'ai toujours eu en moi. Et c'est resté, c'est jamais parti. Et donc, quand j'ai eu l'impression que j'avais bouclé ce que j'avais à faire professionnellement, et d'ailleurs, je ne suis pas partie en étant en colère, pas du tout. Je suis partie en disant, ah ouais. Et d'ailleurs, on m'a laissé partir. Parce que, et t'es partie à quel âge? Et je suis partie à 37 ans. Voilà, j'ai dit, voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à faire et surtout j'ai envie de monter sur scène et d'écrire un spectacle. Puis personne ne t'a dit, c'est fou. Bonjour, je vais vous prendre à Monaco. Bien. Ouais, merci. Et non, personne ne me dit c'est fou. C'est ça qui est un peu dingue d'ailleurs. Tout le monde me dit, à ce moment-là, quand j'annonce mon départ, les gens me disent, ça ne nous étonne pas. Ah, c'est bien, c'était comme le résultat. C'était comme un processus normal. Exactement. Ça ne nous étonne pas alors. Est-ce que tu les faisais rire au boulot? Oui, sûrement qu'il y avait ce petit côté et un peu... Tu t'en rendais pas compte parce que c'était... Non, parce que je ne le faisais pas pour me montrer non, ou pour m'exposer. Non, mais c'était inné. Toi, c'est une blague. Oui, voilà. Et je suis un peu décalée, moi, comme ça. OK. Il n'y a pas de moment. Voilà. Aucun moment. Non, il n'y a pas de moment pour être drôle, je pense. Ben vraiment. Non. Ben non. Mais après, je me dis pas... Après, c'est quand j'ai pris ma décision, j'ai mis... toute mon expérience au service du spectacle, oui. C'est-à-dire... Le bagage était là. Oui, la persévérance, l'écriture, le travail, etc., etc., etc. Donc je pense que si je suis montée sur scène à l'aube de mes 40 ans, c'est par hasard non plus. c'est que j'étais prête pour le faire. Et aujourd'hui, après, puisque là j'entame, je finis ma troisième année hein, de reconversion, il y a toujours ça, la persévérance, le travail, et puis cette envie de partager et de rassembler. Je pense que quand tous les soirs ne sont pas les mêmes soirs, hein, on est d'accord, hein, la rencontre ne se fait pas de la même façon. Les lundis, ce n'est pas les vendredis. Exactement, et puis moi, là, pour l'instant, je ne joue qu'une fois par semaine, et j'ai joué tous les soirs, mais chaque soir, c'est différent, chaque soir, c'est un autre spectacle, même si c'est le même texte, même si c'est la même bonne femme qui le raconte. La rencontre est différente, donc il se passe des choses différentes. Ça dépend du public aussi, de la réaction du public. Exactement. Les rires ne sont pas toujours à la même place. Et on se même nourrit. Même si tu sais qu'il y a des gags qui vont arriver. Évidemment, oui, c'est ça. Qui vont tomber à la même place. Oui, exactement. Mais le ressenti, l'émotion à ce moment-là n'est pas la même, quoi. Ça change tout le temps. C'est ça qui est assez intéressant. Et c'est ça aussi qui fait que je pense que je ne me lasse pas. Parce que les gens me disent oh là là, mais c'est toujours le même spectacle. Oui, mais déjà, c'est pas le même spectacle parce qu'on le réécrit, et c'est pas le même public, ouais. Et c'est pas moi dans le même état, etc. etc. Oui, parce que la journée est passée, puis il t'est arrivé plein de choses. Exactement. Es-tu du genre à parler de ce qui se passe? Donc, as-tu un petit côté improvisation? Alors, j'ai un côté improvisation parce que je suis dans une troupe d'impro depuis que j'ai changé de vie, donc depuis 3 ans. Pourquoi tu m'appelles Janine alors que je m'appelle Thérèse? Pourquoi tu m'appelles Ardèche alors que je m'appelle Corrèze? Pourquoi tu m'appelles Triangle alors que je m'appelle Trapèze? Pourquoi tu m'appelles Louis XV alors que je m'appelle Louis XVI? Pourquoi tu m'appelles œuf coq alors que je m'appelle omelette? Pourquoi tu m'appelles au bois alors que je m'appelle trompette? Pourquoi tu m'appelles donjon alors que j'ai une petite quéquette? Pourquoi tu m'appelles képi alors que je m'appelle casquette? Alors, l'impro, on va... En général, on a coutume de dire que c'est l'ennemi du one-man show parce que le one, c'est très, finalement, très, très cadré. Ouais. Il y a beaucoup d'improvisation là-dedans. On a l'impression parfois, mais il y en a beaucoup. En fait, c'est de l'improvisation. Écrite. Ouais. Ouais. Ils testent des trucs et après, ils fixent. Ouais, ouais, ouais, ouais. Alors, moi, j'ai une part d'improvisation. De vrai impro. Ouais. Parce que je me nourris de ce que le public me dit. Donc, mais sans sortir de mon cadre malgré tout. C'est mon année où je me suis concentrée à être dans le cadre. En sortant, en m'autorisant à sortir et à prendre ce qu'il y avait là au moment où il fallait le prendre, sans partir dans les tours. Ah ouais. Donc ça a été un gros travail pour moi parce que j'aime bien partir dans les tours. Mais voilà, donc j'ai bien tout resserré. Et puis j'ai de toute façon nécessairement une part d'impro parce que je fais monter quelqu'un sur scène. Donc je dois bien faire avec... Est-ce que tu lui demandes avant? Alors, c'est un processus en fait. C'est je commence à lui dire un truc, puis après je reviens. Okay, tu te prépares. Voilà. Et tu vois si... Jamais personne, en plus de 100 représentations, n'a refusé. À combien de représentations? Oh, j'en suis à plus de 100 là. Ouais. Ouais. Personne n'a refusé. Jamais. Parce que tu le prépares tranquillement. Oui, je pense que c'est ça. Et puis moi, il n'y a pas de bashing. Je ne me moque pas des gens en fait. Je joue avec eux. Je me moque beaucoup de moi. C'est un spectacle qui est beaucoup tourné sur l'autodérision. Et ça me permet de me moquer de certains comportements. Mais je fais gaffe. Ça peut arriver hein, parfois de dépasser ou d'être un petit peu plus sec avec. Avec la personne que tu as choisie? Alors, vraiment, j'essaye d'être à fond dans la bienveillance. Le faire, quand il monte sur scène, il est partenaire. Il a sa place comme moi. Donc, c'est un vrai partenaire de jeu. Est-ce qu'il y en a qui tirent vraiment leur épingle du jeu? Il y en a qui peuvent un peu faire le show, quoi. C'est drôle d'ailleurs. C'est drôle que les gens s'autorisent à ça, tu vois. Et ça dure combien de temps? Ça dépend de la personne qui est avec toi? Alors oui, ça dépend, mais comme malgré tout, il y a un spectacle qui s'enchaîne derrière le mien, donc je dois quand même resserrer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait des signes? Non, mais en fait, maintenant, intuitivement, j'ai tout dans le corps. Hein. Je n'ai pas que tout dans la tête. Tu as un chronomètre ouais. Interne. Ouais. Donc, et puis je sens là où la personne relâche. Que ça s'essouffle à un moment donné, là, on coupe. Hein? À un moment donné, tu sens que ça s'essouffle. Exactement. Et là, tu coupes, exactement. Puis tu t'envoies au texte. Exactement. Exactement. Et lui, quoi que ça coule de source. Là. Exactement. Okay. Il ne sait pas que non, c'est terminé. Non, il ne sait pas à quel moment ça se termine pour lui. Ouais. Alors, on fait des... Il sort donc dans la dignité. Ah, complètement. Ouais. Et sous les applaudissements, toujours. Il monte avec des applaudissements, avec des encouragements. Il descend. Et il descend avec des encouragements. Ouais. Et à la fin, il est remercié pour la place qu'il a eue dans le spectacle. Quoi. Ça s'est toujours bien passé. J'ai jamais eu de gens... C'est un mec que je fais monter systématiquement. Ah. Voilà. Parce que voilà, il y a toute une histoire, alors, tout un fil rouge. En même temps, si c'est un homme, il y a comme le côté, il y a le charme qui tourne autour. Peut-être. Alors peut-être. Mon spectacle, c'est un spectacle autour du bio et du barge. C'est-à-dire, je dis que moi, dans ma vie, je suis bio. C'est bien, mais c'est chiant parfois d'être bio. Et bio, c'est un terme générique pour dire plein de choses. Développement personnel, communication non violente. Alimentation évidemment, mais aussi yoga, relations amoureuses avec son chéri, enfin comme on est avec les enfants. Donc bio, c'est vraiment un terme qui me permet. Pas de patience. Je vous en prie, merci. C'est vraiment un terme qui me permet de mettre plein de toutes ces nouvelles choses en fait, après lesquelles finalement on court un peu. Oui, certain. Ça devient un peu un produit de consommation comme un autre. Hein. C'est certain. C'est sûr que c'est une mode. Oui. Et il y en a qui courent à la... Oh. À la tienne. À la nôtre. Il y en a qui s'y abreuvent. On est en train de... Ouais. Puis il y en a d'autres qui s'y refusent. C'est ça. C'est comme un... Mais ce qui est drôle, c'est qu'il y en a qui s'y abreuvent en disant qu'ils refusent un certain système. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oh oui, mais ils acceptent ce système-là sans savoir que c'est un système. Exactement. Voilà. C'est de l'endoctrinement caché. Oui. Donc c'est un peu de ça aussi dont je me moque. Mais... Moi, je ne pourrais pas m'en moquer si je n'avais pas expérimenté. Oui. Ça fait 10 ans que je suis dans ce milieu du bio, de l'écologie corporelle, etc. Évidemment que c'est quelque chose qui me parle. Et évidemment que c'est quelque chose qui est proche de moi et que j'affectionne. Sinon, je ne pourrais pas... Tu es très autocritique. Donc, oui, je sais que ça existe. Oui, je sais que... Et je sais que ça peut faire du bien. Ouais. Et je sais que ça peut être ça. Mais ce que j'adore par-dessus tout, c'est que je crois, et en jouant ce spectacle, le public me l'a montré, c'est qu'on peut... changer nos modes de consommation ou notre regard sur certaines choses en rigolant. Le meilleur exemple, c'est la coupe menstruelle. J'ai un sketch là-dessus. Évidemment que j'aborde pas le truc comme ça. Ouais. Il y a tout un détour. Ouais, c'est ça, d'accord. Et ce qui est dingue, c'est que les gens, en général, rigolent beaucoup à ce sketch parce qu'il est un peu barge. Et après, j'ai des messages de femmes qui me disent, mais elles refusaient d'utiliser la coupe menstruelle. Elles disaient, mais non, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en allant voir le spectacle et le sketch, elles ont tellement rigolé qu'elles ont complètement démythifié l'objet. Qu'elles l'ont, elles l'ont appréhendé sous un autre regard. Mais c'est exactement ça que je veux faire, en fait. Okay. C'est si on peut juste s'intéresser, essayer, on ne sait pas, ça marche pas, c'est pas grave, tu vois ce que je veux dire? Il faut expérimenter dans voilà. La vie. Faut jamais il faut dire que avoir soi-même, ce... ouais. On fasse la propre expérimentation. Mais si c'est amené par l'extérieur et que c'est un peu rigolo, barge, etc., tant mieux. Moi, je crois vraiment en ça. Alors toi, tu sèmes des graines et si oui, voilà, la peut-être. Graine commence à pousser et à s'enraciner, tant mieux. Mm. Mais toi, tu n'as aucune prétention de vouloir changer le monde. Bah, pas du mais, tout. Mais si... En fait, je pense que je l'avais avant. Okay. Tu vois, quand j'étais rédactrice en chef, je pense que tout était très haut. Ah oui, OK. Puis j'ai tout fait descendre. Pour ressentir les choses. Moi, mais en même temps, tu dois prendre ton poste. Sûrement, ça fait partie du processus, tu vois. C'est pas, je refuse pas ça. Je crois que ça fait partie des étapes nécessaires du truc. Et vraiment, je suis hyper heureuse d'avoir vécu toutes mes expériences professionnelles. Hein. Mais vraiment, j'ai aucun regret. On pourrait dire, ah ben dis donc, c'est dommage que tu arrives sur scène à 40 ans. Non, non, je crois pas. Ben, c'était autrement. Comme ça que je ça, devais le vivre. Autrement, tu es autrement. Voilà. Donc, tu as déjà un bagage. Oui. Mais qui n'est pas un bagage artistique, qui est un bagage humain. Oui, oui. Humain, professionnel, ouais. De connaissances. Voilà. Donc, et c'est ça aussi qui nourrit le spectacle. C'est le fait que je sois déjà maman de 3 petites filles. Je fais un peu office d'ovni hein, dans le milieu du spectacle. Hein. C'est pas courant. Hein. Non. Mais c'est assumé. On va dire ça comme ça. C'est assumé. Et je pense que je suis art-thérapeute aussi, donc j'accompagne des gens en difficulté psychique ou parce qu'ils ont rencontré des maladies ou des choses comme ça. Alors, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le décrochage scolaire. Enfin, je sais pas comment on nomme ça là-bas chez vous, mais c'est des gamins, tu vois, oui, qui... Oui, c'est la même chose, c'est le même terme. Voilà. Qui abandonnent avant le bac ou avant... Oh, mais bien avant, oui, c'est exactement. disons, normalement, c'est 13, 14, 15 ans, ils c'est abandonnent, ça. Mais malheureusement, ils se rendent compte, ouais. peut-être à 25, 30 ans, que l'on doit finir un minimum d'études. Ouais. Et tu les vois sur les bancs d'école à 30, 35 ans. Ouais. Et mieux vaut se réveiller peut-être dans la vingtaine ou un peu avant ouais. pour se dire, ben c'est un passage presque obligé ouais. en 2017 d'avoir ouais. un petit bagage. Ouais. On disait même à une certaine époque, il faut au moins un bac. Puis aujourd'hui, on est rendu à se poser la question, il faut quelques cours à l'université. Ouais. En plus, là, c'est pas assez le bac. Là. C'est vraiment pas assez, mais c'est un bon, c'est des bonnes assises. Mm. Mais avec l'industrialisation, la complexité de l'environnement et tout ce qui se passe autour, ben, il faut être armé. Oui, oui, oui. Armé. Ouais. Voilà. Mais après, je pense que, pareil, les situations sont sûrement très différentes en France et au Québec. Mais je pense qu'en France, notre gros problème, c'est de vouloir mener tout le monde à l'université, dans les grandes écoles. Ouais. Et du coup, on a dévalorisé beaucoup de filières, et des filières nobles, hein, des filières de l'artisanat, de la restauration, etc. On en a fait des filières pour faire poubelles. Pour faire des métiers, ouais. Ouais. Comme si c'était... Ben, chez nous, un peu moins. Si t'es pas très très bon à l'école, on t'offre l'opportunité d'avoir une formation. Mm. Une formation, ça peut être n'importe quoi. Là. Ça peut être même ingénieur, ouais. Des techniques, ouais. Caissier. Ouais. Mais ne jamais croire qu'il y a des sous-métiers. Ouais. Il n'y a que de cette genre. Oui. Mm. Oui. Des gens qui vont juger. Oui, c'est ça. Et qui sommes-nous pour juger? Ouais. C'est ça un peu le drame actuel d'aujourd'hui. C'est qu'on fait trop de clivages. On dit, voilà, alors il y a les universitaires, il y a les machins, il y a les trucs. On se regarde voilà, de haut. Il y a la hiérarchie. Et c'est un tort parce que du coup, on manque de certains professionnels. Il y a des filières qui sont vides parce que, ouais. parce qu'elles ne sont pas valorisées. Mm-hmm. Il y a des PME, des PMI qui manquent de personnel. De ressources. Et on bourre les universités de gamins qui se perdent parce que de toute façon, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent faire. Il n'y a pas forcément un débouché très clair à l'arrivée. Voilà. Donc moi, j'ai des gamins quand même, je récupère des gamins. Ils ont entre 9 et 10 ans. Hein. Et je pense que, je vais te dire un truc, moi je suis convaincue de l'absolue nécessité de faire entrer l'art-thérapie à l'école. Oui, ou l'art tout court, pas thérapie, mais alors, l'art tout court. Oui, La différence, c'est que nous, en tant qu'art thérapeute, moi, je ne donne pas des cours de théâtre. Est-ce que c'est une formation que tu as? Oui, oui. Okay. Ouais, ouais. J'ai fait ça en même temps que je changeais de vie. Universitaire ou... C'est une formation, oui, c'est privé. Okay. C'est quoi, une année? C'est 3 ans minimum. Oh, voilà. Minimum? Ouais. Alors, tu peux vraiment approfondir. Oui, parce que quand tu as la responsabilité de l'accompagnement d'un patient, c'est quand même pas rien. Non. Il y a quand même thérapeute dedans, donc voilà, faut... Tu joues sur la psychologie. Exactement. Ouais. L'accompagnement, le transfert, contre-transfert, enfin toutes ces notions qui sont chères à la psychologie. Parce que, oui, donc on doit se former. Mm. Et donc j'ai fait des stages en unité psychiatrique, dans un IME, Institut Médico-Éducatif, qui reçoit des autistes, des psychotiques, des handicapés moteurs, cérébraux. Ouais, c'est ça. Donc après... On a une palette de choix, de médiation. La médiation, ça peut être l'écriture, ça peut être l'argile, ça peut être la scène. Voilà. Mais le but n'est pas de donner un cours. Non, c'est de s'exprimer à travers l'art. C'est que le patient s'exprime. S'exprime, oui. Donc, il n'y a pas de jugement. Non. On accompagne le geste. On accompagne ce qui est, en fait. Et laisser avec vibrer. Avec la personne qu'on a. Et laisser vibrer c'est la ça. Personne là-dessus, sur voilà. son thème, sur sa façon. De... Et peut-être que c'est une façon d'accompagner, que ce soit le jeune en situation de décrochage, la personne psychotique, autiste, c'est peut-être une façon d'aider la personne à être plus proche d'elle-même. Oui. De se ressaisir, de se recentrer. Et pas en faire quelqu'un de différent. Non. C'est accepter un autisme, c'est accepter aussi à un moment donné qu'on traverse quelque chose de difficile. Parce que tant qu'on est dans la lutte, on ne peut pas s'ouvrir non. à autre chose. Ben non. On ne peut pas s'engager dans autre chose. Non, parce que c'est très demandant, c'est très épuisant, ça, et c'est pas facile. Donc on est dans un... On est embrouillé. Alors quand on est embrouillé, on ne voit pas. Ouais. On le doit laisser tout ça. C'est ça. Tomber, reposer, et après ça, agir, changer, vouloir changer. Exactement. Mais le problème aussi, peut-être, c'est qu'on n'intéresse plus maintenant les enfants. L'école est devenue trop technique et moins ludique. Moi, je suis convaincue, alors moi je trouve que c'est un joli mot, ça s'appelle la pédagogie du détour. Oui. C'est-à-dire comment on peut, voilà, mais dans mon spectacle, c'est ça. Comment je peux parler d'un sujet qui m'est cher, les règles? Bon, ok, c'est... Moi, quand j'ai dit ça au début, mon metteur en scène, il fait « j'en veux pas ». Mais moi, je sentais que c'était pas... C'est pas faire un buzz. C'est important, ça parle à plein de monde, hein. Et ça préoccupe plein de femmes, et ça fait faire du souci à plein de femmes, peut-être à plein d'hommes aussi, au final, hein, ben oui. par extension. On est tributaire de notre c'est ça. Conjoint. Et le fait de parler de comment... comment trouver d'autres protections, d'autres alternatives, etc. Ouais. Ben voilà, ça faisait partie de mon métier puisque j'étais rédactrice en chef d'un magazine qui traitait ça. Et comment amener des sujets qui sont des sujets de fond, mais d'une façon légère. Ouais. Voilà. Ben c'est pareil à l'école. Ne pas saouler les gens. Non. C'est ça. Les intéresser à travers une distraction. Voilà, exactement. Comment à l'école et je pense qu'il y a peut-être que ça ne peut pas être forcément le maître qui peut faire ça. Mais pourquoi pas, art thérapeute, travailler en collaboration avec des enseignants, les élèves, les parents. Comment, à un moment donné, se dire, voilà, dans la semaine, le planning scolaire est organisé ainsi, mais dans la semaine, il y a 2 heures consacrées à votre expression. Donc, ce n'est pas de la thérapie dans le sens institutionnel, mais voilà, c'est votre expression. Là, on ne note pas, on ne juge pas. Il n'y a pas de spectacle de fin d'année. Il n'y a pas toujours un objectif. C'est ça, voilà. C'est faire comprendre au gamin qu'il est là juste pour lui. Il n'y a pas de résultat au bout. Mais c'est hyper rare dans la vie oui. d'être là sans objectif que l'expression. Ça n'existe nulle part. Non. À chaque fois, on te demande... des notes, des machins, des rendus de devoirs, un spectacle de fin d'année, tu fais du théâtre. Mais ce qui est très bien, ma fille fait du théâtre, j'adore. Elle a fait son spectacle de fin d'année, c'est un objectif, tu comprends? Oui. Mais si on ouvrait à autre chose, à l'expression, juste pour expérimenter ça. Ah oui. Moi, c'est mon rêve de faire ça, d'arriver dans les écoles. Tu as déjà commencé un peu avec... J'ai déjà commencé avec les maisons de quartier à Versailles, là où je vis, en fait. Il y a un système après l'école qui s'appelle le classe. Donc, il y a de l'aide aux devoirs. Et ce qu'on aimerait faire, c'est faire en sorte qu'il y ait de l'aide aux devoirs, ok, mais qu'il y ait autre chose aussi, où le gamin puisse juste exprimer à travers l'écrit, le geste, le dessin. Même un instrument de musique. Ouais. Il n'y a rien de fermé, tout reste à inventer là-dedans. Mais il n'y a pas la notion d'apprentissage dans le sens strict. Ouais, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de résultat, il n'y a que de l'exploration. On peut explorer. C'est ça. Explorer. On peut se tromper, c'est ça qui est merveilleux. Ouais. Le droit à l'erreur, en fait, aujourd'hui, ça n'existe pas. C'est ça. C'est même pas se tromper, en fait. C'est, non. Tu testes un truc, tiens, j'ai pas envie de faire ça, je vais faire plutôt ça. Tu croyais que j'étais bon en peinture ou que j'avais j'étais plus intéressé par la peinture que ça. Je suis touché, disant, non, c'est terminé. Je pense que l'écrit va m'amener plus loin. Donc c'est un peu. Donc j'ai démarré en fait mes deux reconversions en même temps. Alors tu vas me dire, c'est bizarre. Hein. Non, en fait, t'as qu'à prendre un virage, virons. Oui, c'est ça. Mais en fait, non, pour moi, c'est une façon. Ça se tient. Tout ça se tient, ben oui. Ouais. Ben oui. Parce que moi, j'ai la sensation d'accompagner les gens au théâtre quand je. Voilà, dans un moment de plaisir, de détente, etc., en semant des petites graines. Et quand je suis en relation d'accompagnement art thérapeutique, c'est une autre forme d'accompagnement. Là, tu traites les racines. Oui. Là, la graine est mal poussée, tu vérifies les racines. Oui, peut-être. Il y a peut-être un truc comme ça. Ouais. Alors, la posture n'est pas la même. Hein. Je suis beaucoup plus dans l'écoute. Je parle très, très peu. Alors qu'au théâtre. C'est toi qui fais la monstration. C'est toi qui es devant. L'éclairage exact. Est sur toi. Ouais. Parce que là, tu laisses aller, tu laisses venir. C'est les autres, c'est la place. Ça prendra le temps que ça prend pas. On n'est pas pressé. Non. Mais c'est ça aussi, prendre le temps. Aujourd'hui, c'est fini. Non. Donc ça, ce sont deux choses qui m'habitent beaucoup. Ouais. Et je pense que je ne sais pas combien de temps ça durera. Je ne me mets pas d'objectif. En tout cas, tant que c'est dans le corps, je continuerai. Tu vas, tu fonces. Moi, je suis pas... L'énergie, surtout, il faut de l'énergie pour toi. Oui, il faut de l'énergie, ça c'est certain. Mais comme tu es toute jeune, l'énergie est toujours là. Oui. Ouais. Mais le travail sur scène, c'est pas du travail, mais oui, c'est du travail. Le travail sur scène, depuis la première représentation jusqu'à la presque centième, il y a une évolution incroyable. Oui, oui. C'est plus du tout le même spectacle. Qu'est-ce qui reste de l'origine? Je pense mon authenticité. Okay. C'est-à-dire que je pense que je me suis jamais trahie. Tu peux te regarder dans le miroir en disant je suis encore intègre. Oui. Ah oui, dans ce que je dis, oui. J'ai fait des choix, j'ai écouté, et je n'ai pas écouté aussi parfois. Typiquement, le sketch de la coupe menstruelle, personne n'en voulait, et j'ai tenu bon. Donc j'ai eu raison d'être têtue et de m'obstiner quelque part. Et de persévérer. Après, j'ai écouté, j'ai changé de metteur en scène. Pas parce qu'il voulait, il bloquait lui-là. Non, mais parce que je pense que pour tu pas à l'aise avec un spectacle... tu as besoin de grandir et tu ne peux pas grandir avec les mêmes personnes. Ouais. Parce que toi, tu as évolué, mais lui, il est peut-être resté avec Et je pense qu'au bout d'un moment, on ne s'apportait plus mutuellement. Quoi. Et il ne faut pas avoir peur de dire ça. Et ce n'est pas en disant ça que tu renonces à cette personne ou que tu nies le travail. Non, tu restes encore ami, tu restes encore c'est en ça. Communication. Moi, quand je pars, c'est jamais en étant en colère. C'est on part. Hop, et on se revoit d'ailleurs. Ah oui. Tu vois, les gens de mon magazine Féminin Bio, ils viennent me voir sur scène. Okay. Et ils sont, je pense qu'ils sont fiers. Hein. Mm-hmm. Et ils continuent de m'accompagner. Ah, c'est bien. Et ils continuent de me donner des coups de main. Mm-hmm. Donc, la colère profite à personne. Enfin, tu vois, c'est ni à celui qui la donne, ni à celui qui la reçoit. C'est une énergie tellement dépensée. Là, dans ce cadre-là, hein, de colère, on ne part pas en claquant des portes fâchées, on part pour autre chose. Oh oui, exactement. Ouais. Exactement. Puis c'est pas parce que toi, tu as changé que tu vas demander à tout le monde de changer. Toi, c'est très personnel. C'est tout à fait ça. Là, tu as une façon de raconter tes histoires qui est basée sur toi. Ouais. Commences-tu à envisager un deuxième spectacle qui sortira un peu de ce créneau-là? Alors, je vais te dire un truc, c'est drôle. Moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, on pourrait toujours le dire. Hmm. Rien du tout, monsieur. Merci. David Bowie. Ok, oui. Alors. Excusez-moi, Toto. Hop! Excusez-moi, Toto. Excusez-moi, Toto. minute. Excusez-moi, Toc. Excusez-moi, Toc. Vous écoutez Errance Rinaldienne sur CKRL NF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. Dans les personnages qu'il incarnait. C'est-à-dire que le mec était quand même capable de faire mourir un personnage pour en créer un autre complètement différent. Et j'aime assez cette, cette façon de vivre sa création, en fait. Donc, moi, j'aimerais bien, j'ai des choses en tête hein, en termes de spectacle et je pense que ce ne sera pas du tout comique. Okay. Voilà. C'est des personnages qui vont vivre et qui... Alors, moi, c'est quelque chose qui m'habite, je pense aussi depuis longtemps, et qui émerge depuis très peu de temps. C'est pas un sujet très drôle, mais j'ai envie de le traiter, et j'ai envie de le traiter sur scène. En duo, avec un homme. Alors j'ai déjà fait un duo avec un homme, puisque en même temps que je démarrais ma carrière en solo, mon ancien boss d'agence de pub, ça remonte à des années, avait fait le pas avant moi en fait, il est monté sur scène, etc. Est-ce que tu t'es inspiré de lui pour virer, pour changer? Alors on s'est vu, c'est drôle, hein, quand j'ai su que je voulais changer de vie, on s'est vu dans un resto à Neuilly. Et je lui ai dit ce que je voulais faire et il m'a dit... Et lui avait déjà changé. Ouais, okay. Lui il était sur le changement et il était en train d'écrire un talk pour un TEDx. C'est-à-dire un TED, c'est des conférences à l'américaine, oui. Tu vois. Oui. Et il écrivait à ce moment où je lui parle, où je lui dis ben, moi j'ai envie de changer de vie, etc. C'est le rêve de ma vie, monter sur scène, machin. Il écrit une conférence qui s'est beaucoup vue, qui a des milliers de vues sur YouTube, qui s'appelle « Transformer son risque en chance ». Et il me dit, c'est marrant, quoi, la coïncidence des moments, quoi. J'écris ça, tu me dis que... Et pourquoi à ce moment-là voilà. Et donc, je vais le voir, il a un spectacle aussi mis en scène par Michel Larocque, je vais le voir sur scène, etc. Il a un solo. Et au printemps, il me dit ben voilà, j'aimerais beaucoup que tu joues dans ma pièce qui s'appelle « Et il est où le bonheur dans ton cul ?» Comment « Et il est le bonheur dans ton cul ?» Ouais, DTC, tu sais, comme on écrit dans en langage webeux un peu. Oui. Et donc, on va jouer ce spectacle et on le jouera pendant un an. Et là, c'est officiel. Ah ben, on l'a joué l'année dernière. Ok, okay. Donc c'est des supplémentaires. On l'a arrêté il y a un an, mais on l'a joué au Point Virgule à Paris. C'est une belle salle, Point Virgule. Ouais. Enfin, j'espère la faire dans pas longtemps, toute seule. Et on l'a joué au Point Virgule, on l'a joué au Grand Point Virgule et on l'a joué en province. Et, l'accueil doit être... Ouais, c'est sympa la province. Hein. Moi, j'ai une grande affection pour... Les gens attendent des spectacles. Hein. Oui, un peu plus qu'à Paris, c'est sûr. Ils sont moins blasés. Quoi. Il y a moins de flow de... C'est ça. Exact. Il y a moins de propositions aussi. Donc, les gens sont dans un accueil un peu plus... Sincère. Ouais, un peu plus simple. Ouvert, ouais, exactement. Ils sont là pour passer des bons moments. Ouais, donc, c'est ça, exact. Ben, oui. Et donc, du coup, on a joué ce spectacle pendant un an l'année dernière. Donc, une belle aventure aussi. Mais si je reviens sur scène avec un duo, donc ce sera avec un homme, c'est pas lui. OK. Là, tu as actuellement deux spectacles qui fonctionne en même temps. Ben, pas en même temps, mais qui fonctionne. Ouais. Il y a ton one-man show, one-woman show, et il y a le duo. Alors, ce duo, on l'a fini. Hein. Non, mais il revient, donc... Oui, il y a un duo qui... Enfin, moi, j'aimerais beaucoup, il faut que j'écrive le texte, etc. Mais c'est pas... ce sera pas drôle. Non, mais tu en as un autre avec le garçon en question, le duo que tu refais, là. Non, je le refais pas, on le refait pas. Ah, OK, c'est terminé. Ouais, terminé. OK. Mais pourquoi qu'il n'y a pas... qui reviendra plus, le spectacle, c'est... Oh, parce qu'on a décidé de l'arrêter. Okay. Voilà. Ben, disons que il faut beaucoup d'investissement. Hein. Ah, oui. C'est un engagement. Ouais. C'est dur aussi de rassembler deux personnes. Oui, c'est pas simple. Il a une autre activité, il fait pas mal de conférences, etc. Donc voilà, mais bon, après, peu importe, on se retrouvera peut-être un jour sur la scène de nouveau. On n'est pas du tout... on est pareil, très proches. C'est un milieu tellement petit, donc exactement. Vous voyez, vous serrez exactement. La main. Exactement, c'était mon ancien boss en agence de pub. Ah, on se connaît, ça fait 15 ans qu'on se connaît. Oui, c'est fou la vie. Mais faut jamais s'attendre à... On ne sait pas ce qui peut arriver. Non, en fait, il ne faut pas être dans l'attente. Non. Faut avoir... Être disponible, surtout être disponible. C'est ça. Être disponible, mais en même temps, faire les choses, tu vois. Oui, ne pas être assis et... Non, et attendre que ça arrive, ça ne marche pas. On doit aussi frapper aux portes, on doit s'investir. On doit être à un moment donné dans l'action. S'investir. Dans l'action de ses rêves. Oui. Si c'est même plus un rêve, parce qu'un rêve doit devenir réalité à un moment donné. Oui, c'est ça. Parce que si tu vis d'avoir su, ça, il n'y a rien de plus fou à la fin de ta vie d'avoir su. Faut pas... Il faut se déchaîner, il faut surtout vivre nos passions. Ouais. Mais je comprends aussi que le conformer, c'est plus facile et moins douloureux. Ouais. Je sais pas s'il est moins douloureux, je sais pas. Il est moins douloureux dans le sens que le conformiste, tu sais qu'il y a des sous qui rentrent à chaque semaine, tandis que la douleur vient du fait que tu n'as jamais fait ce que tu as voulu. Comme il y a une chanson québécoise qui dit ça, deviens-tu ce que tu as voulu. Oui, c'est ça. Voilà. Deviens qui tu es, quoi. Ben, essaye au moins d'accomplir quelques rêves. Parce que tu as juste une vieille vie. Oui. Et si ces rêves-là ne sont pas touchés, on peut se dire peut-être qu'on a raté notre vie. Oui. Mm. Oui. Et ça aussi, c'est aussi douloureux que l'inconfort matériel. De quoi? De sentir que tu as raté ta vie douloureux que l'inconfort matériel. Oui. Puis peut-être que... C'est plus douloureux encore, peut-être. Parce que tu n'as rien fait pour... Parce que tu vois, c'est un exemple un peu extrême que je prends, mais je le prends assez volontairement, mais il n'existe pas de civilisation sans expression. C'est-à-dire, toutes les civilisations, en tout temps, ont exprimé quelque chose. Oui. Exprimer quelque chose ne sert pas à se nourrir, on est d'accord. Mais ça sert à vivre. On ne vit pas sans expression. Ah non. Non. Et probablement, dans les camps de concentration, ceux qui arrivaient à survivre, c'était ceux qui probablement, c'est ceux qui laissaient quelque chose s'exprimer. Ouais. Je crois que c'est c'est un souffle de vie qui est aussi nécessaire que manger. Avoir un logis, ouais, tout ça, ouais, effectivement. Ouais. Ouais. Mais c'est, il faut vraiment que ça parte de soi. Il faut avoir en soi cette vision-là, ouais. Le film La vie est belle en témoigne. Oui. C'est. Mais chacun d'entre nous n'avons pas cette chance-là de pouvoir l'exprimer comme ça. Mm. C'est ça qui est décevant, qui est triste. Oui. Mais toi, en tout cas, depuis 3 ans, tu n'as fait que ce que tu as voulu. Oui. Et tu te sens de mieux en mieux. Oui. Oui, en tu t'es libéré de bien des problèmes intérieurs. Oui, je pense. Après, tout n'est pas résolu. Hein. Ah, une baguette magique. Hein, mais c'est certain que tu as encore des problèmes, mais dans d'autres circonstances. Exactement. Et puis c'est du quotidien. C'est... Exactement. Et puis, de toute façon, ça te confronte. Hein. La scène est confrontante. Et tu traqueuses, toi? Ah oui. Ah oui. Énorme. Ah, énorme. C'est de pire en pire, même, je pense. Est-ce que ça t'a freiné, ça, au début? Non, mais là... Quand même, là, je rencontre des gens qui travaillent avec moi, c'est moins traqueur que d'aller sur scène et se montrer. Et écoute, je pense qu'il y a un peu un tabou autour de ça. C'est-à-dire que les gens, les comédiens entre eux, ils se disent pas putain, je suis hyper malade avant de monter sur scène, etc. Tu vois, il y a une espèce d'omerta. C'est comme savoir si un comédien remplit ou remplit pas les salles, tu vois. Et ça va. On le sait. Il y a des moments où c'est plein, il y a des moments où c'est moins plein. C'est comme ça. Il faut accepter le truc. Si tu n'acceptes pas, tu es hyper parce que malheureux. Bon, c'est mais parce non, que, non, mais il y a plein de conjonctions qui font que. Voilà. Donc, il faut se détendre et. Et c'est un grand apprentissage que je continue de faire, hein, parce que je ne suis pas toujours détendue. Ça fait 3 ans, donc... Oui, il faut que le spectacle prenne, enfin, voilà. Mais bref. Mais oui, je suis hyper traqueuse. Ah, terrible. Et comment ça se témoigne? Comment ça se vit? Ben moi, je suis malade, hein. OK. Physiquement, hein. Ah, comme Brel, tu vomis, tout ça. C'est ça, ouais. Et ça avait disparu. Ah oui, dans ton enfance, oui. C'est ça? Non, mais au cours de mes 3 ans, au début j'étais très malade, puis je pleurais souvent en plus. Pourquoi? Parce que je sais pas, ça lâchait, à la fin je pleurais tout le temps, enfin pas devant les gens, hein, mais je pleurais après. Comme si une décharge okay. émotionnelle opérait, bon. Tu vois. C'est bon, c'est bon. Et après j'ai plus ça. Par exemple, à Lyon, je jouais tous les soirs. Eh bien, j'étais traquée. Mais plus malade. Ok. Et en revenant... C'est pas une sortie non plus. Là. C'est ça, sûrement. Well, you're in your little room and you're working on something good. But if it's really good, you're gonna need a bigger room. And when you're in the bigger room, you might not know what to do. You might have to think of how you got started sitting in your little room. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Que tu trouves impressionnant là-dedans? Parce que c'est y a un côté assez, assez dépouillé, assez simple, en même temps un peu torturé, un peu border barge, etc. Je trouve qu'elle réunit tout ça. C'est tendre, c'est à la fois sincère, c'est à la fois menteur. Mais c'est la femme de mon pote, hein? Ouais. Oui. Oui. J'ai vu deux, trois fois. Ouais. Ou en fait, ils sont à une station de ski. Oui, ils sont dans un chalet. Est remarquable. Ah oui, mais Coluche, écoute, Ciao Pantin. Oui, oui. Un humoriste qui joue aussi bien, c'est extraordinaire. Ouais. Grand bon. Mais je pense que quand tu es humoriste, je pense que tu es capable d'aller chercher des personnages comme ça. Et probablement, on les a sur scène. Très peu de temps, parce que le propos, c'est quand même le rire. Mais on a. Il y a des petits punchs dramatiques. Ouais, moi, je pense. Mais pour déclencher, il faut un rire donc, qui retombe après ça sur l'humour. Mais je pense que tu peux camper vraiment la tragédie quelques secondes. Et pouf! Ouais, exactement. C'est comme si tu as un drame et les confettis. Ouais. C'est ça, c'est exactement ça. Donc après, il faut tirer le fil et travailler ça, tu vois. Mais après, est-ce qu'il y a des choses que je refuserais? C'est pour voir le truc, quoi. Avant de terminer, est-ce que ton rôle d'éducatrice te permet des assises monétaires plus intéressantes que uniquement. Ah oui, plus, ouais. Et c'est pour ça que tu peux continuer. Oui, alors j'ai la chance aussi, et je le dis sans complexe, parce que sinon ça ne sert à rien. Ouais. J'ai la chance d'avoir un mari qui me soutient. Ok. Bah, c'est pas rien. Tu as un bon travail, tu as un bon métier. Bah oui, mais okay. C'est pas rien. Ok, non. Qui croit en toi, c'est ça qui est merveilleux. Ah bon. Ah oui. Qui croit en toi dans la vie privée et dans la vie personnelle, exactement. Professionnelle. Ah oui, il me reconnaît du talent. Alors après, il est très discret. Ok. Il vient, il te laisse fonctionner. Il vient me voir au théâtre, il vient me voir, mais très peu. Est-ce voilà. que tu le sais quand il vient te voir ou il veut te... Oui, ça, okay. je le sais. Okay. Ouais. Ça, je le sais parce que déjà, il arrive en retard. Donc, Oui, excusez. Le mec, il dit excusez. Ouais, comme il est chauve, je le repère. Ah oui, ah. Voilà, okay. C'est mon mari. Ah, oui. Donc, Alors, tu peux pas le prendre par les cheveux, déjà. Non, là. Ça, c'est fini. Mmh. Non. C'est pour ça qu'il s'est fait couper les ouais, cheveux. Je pense. Hein. Ben oui, ben, ça, c'est clair. Excuse-moi. Plus, c'est le message. Hein. Oui, mais non, il est plutôt très discret et j'aurais pas pu le faire sans lui, sans appui. C'est appui aussi oui, sentimental. Et puis de la famille, voilà, j'ai une famille qui me soutient, qui croit beaucoup en ce que je fais. Alors, t'es comme l'héroïne, entre guillemets, de la famille. Peut-être. Celle qui a osé. Oui, peut-être. Est-ce que tu donnes aussi la possibilité. C'est nous on dit toujours à ton entourage de changer de vie s'ils s'emmerdent. Crois-tu que tu peux être celle qui... Alors c'est ce qu'on me renvoie, c'est ce qu'on me dit. On me dit souvent merci parce que tu oses et finalement tu rends peut-être les choses plus accessibles. Tu désacralises aussi. Peut-être. Ça peut se faire. Je suis pas encore morte. Ouais. Donc, ça ouais. prouve qu'il ouais. y a quelque chose qui peut se passer. Après, moi, c'est ce que je dis, hein, ça ne se fait pas sans travail, sans renoncement à certains petits conforts. On sort quand même d'une zone de confort, hein. D'accord? Donc, voilà, moi, ça fait 2 ans que j'ai presque pas de week-end. Donc, ah non, c'est 100%. Il faut mesurer ouais, hein, quand même. 7 jours tout sur 7, ça, avec voilà. des enfants. En c'est ça. Donc, il faut quand même mesurer le truc. Hein. Mm-hmm. Je ne suis pas en train de pleurer sur ma condition. Non. Je suis juste mais, en train de mais dire ça que fait partie du choix que tu as fait. Il faut avoir un peu, excuse-moi l'expression, mais les couilles de son ambition. Oui, ah, oui. Voilà, oui. c'est tout. Et parfois, il faut un peu imposer. Est-ce que ça te surprend? Non, ça ne me surprend pas. Tu savais que c'était comme ça? Ben, je crois que j'en avais aucune idée, en fait. C'est la première fois de ma vie où je n'ai pas vraiment calculé les choses. Parce que tu ne savais pas comment ça fonctionnait. Ben donc, non. c'est un chemin que tu as défriché. Voilà. Et tu savais pas si tu allais trouver un rubis saut. Je suis quand même rapidement montée sur scène, j'ai rapidement tourné, j'ai rapidement. Enfin... Mais quand tu as décidé de finir, et on va citer là-dessus, quand ouais. décidé, avais-tu des textes avais-tu des Non, choses? Rien okay. J'ose le dire. Mais comment ça a pris de temps avant de. J'ai écrit mon spectacle 9 mois. Oui, mais avant de gérer, alors, par exemple, tu as arrêté ton travail le vendredi, le lundi, tu prenais le papier. Alors, non. J'ai arrêté mon travail fin juillet, puis je suis partie en vacances en août. Donc j'ai bien profité de mes vacances. J'ai aussi bien chialé ma race, hein, parce que j'ai eu un deuil à faire. Ok, t'as pleuré, t'as dit... Ouais, je me suis dit, qu'est-ce que je fais, ah, ouais, etc. Ouais. Donc j'ai accepté de faire ça. J'étais accompagnée aussi par une coach hein, pendant 9 mois, hein, le temps de prendre ma... Coach professionnelle, okay. le temps de prendre ma décision. C'est avec elle que, en fait, mon évidence... Et elle a une formation de quoi en psychologie? Coach pro, oui, enfin... Elle est coach professionnelle, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Elle fait de l'accompagnement auprès de professionnels, elle n'est pas psychologue, elle ne fait pas une thérapie, si tu veux. Mais elle accompagne. Et tu trouves ça sérieux? Oui, c'était très sérieux. Okay. Hein. Ben, c'est elle qui m'a permis vraiment de mettre le mot sur ce que je voulais faire et de faire en sorte que ce soit possible. Ok. Donc... Se trouver professionnel. Ouais. Oui. C'est un, c'est et donc, un elle t'a suivi pendant quoi? 1 mois? 9 mois. 9 mois? Ouais, une gestation. Ouais, mais c'est un enfant. C'est ça. Et mon spectacle, j'ai écrit en 9 mois. Est-ce que c'était conceptuel ou ça n'avait rien à voir? C'est là que tu es arrivé à ce constat de 9 mois? Je crois qu'il me faut 9 mois pour faire les choses. Hein. Enfin, et en même temps, c'est rapide et en même temps, ça laisse le temps de créer la matrice, quoi. Hein. Et ce spectacle, je l'ai écrit en 9 mois. Et je jouais des sketchs. Donc au fur et à mesure, je rectifiais, j'avais des échéances comme ça où je devais monter sur scène. Je faisais des premières parties ou des trucs comme ça. Et à la fin de l'année scolaire, j'avais un spectacle que j'ai joué au Feu de la Rampe, après au Boui-Boui à Lyon. Et après, j'ai joué au Théâtre du Quibidé à Paris. Je suis partie 2 mois l'été dernier à Lyon. Je jouais tous les soirs du mardi au samedi. Là où Cavana a fait sa carrière en France. Oui, oui, oui. Et après, je suis revenue, j'ai signé aux 3 bornes. Et ton, spectacle, tu le fais depuis ce temps-là, ouais. il est quand même affirmé. Ouais. Et d'après toi, il a quel âge? Est-ce qu'il est rendu adulte? Est-ce que tu le sens vieillir? Non, il est en adolescent? Comme j'ai changé de metteur en scène l'hiver dernier, donc là, début d'année 2017, et qu'on a fait, on a opéré de grands changements. Donc je sens que c'est qu'il est, c'est un gamin de 8 ans, quoi. Ok. Donc alors, tu peux encore vieillir avec. Ah ouais, okay. Ouais. Ah oui, moi, je me laisse encore 2 ans pour le jouer. 2 ans, ok. Ouais. Ça m'empêche pas d'avoir d'autres projets. Oh oui, oui, oui. Et ce spectacle-là, il y a un fil rouge à tirer. Ok. Et qui n'est pas encore fini. Non. Et puis, tu as des choses à rajouter. Exactement, aussi. Des choses à rajouter. Il y a encore du jus à placer dedans. Ouais, il n'y a pas débordé. J'aimerais beaucoup faire des chroniques à la radio autour de ces sujets-là. Enfin, voilà, il y a moyen de faire autre chose. Frappes-tu aux portes de France Inter ou... RTL. RTL? Ouais. Ok. Ouais. Ouais, j'aimerais bien. Okay, pourquoi RTL? Parce que j'ai fait un sketch là Bigard, avec eux. L'histoire de Bigard. Voilà, ouais. Et qu'on a des contacts et que c'est aussi une grande radio. C'est plutôt populaire. Voilà, je pense que ça m'irait bien. Et c'est des sujets qui sont pas encore bien traités dans l'humour. Donc il y a aussi une place à prendre. Un créneau à toi personnellement. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc on verra après. Ah, tu me le dis si tu passes sur RTL, mais si ce qui m'emmerde là-dedans, c'est la publicité, c'est épouvantable. Ah ben c'est épouvantable. C'est pour ça que j'écoute France Inter. Ouais, ouais. Et même, je me souviens, Berne, qui était sur France Inter, s'est rendu sur RTL. Ouais. Je l'ai écouté 2 mois, mais je suis pas capable de publicité, c'est abominable. Puis les pubs françaises, c'est de la merde. À la radio, c'est... C'est de la merde, la merde. Ah, j'en débat. Ça m'énerve. Ouais. Ouais. Tu sais, je trouve très honorable les gens qui prennent des boissons énergentes, là, mais pas avant de publicité. C'est ça. Hey, merci d'être passé à mon émission. Hey, c'est cool, hein? Puis, écoute, pour l'histoire, ça n'a jamais fini. Qu'est-ce qui est arrivé avec Rosan, la fille? Luce Rosan? Oui. Non, mais rien, en fait. Elle était venue me voir, elle avait beaucoup aimé ce que j'avais fait. Elle t'a pas amené à Montréal? Non, mais après, ça s'est pas fait avec Candidator, tu sais, enfin, les trucs, c'est... Là, comme t'as un tourneur... un tourneur, t'as une agente. Non, mais moi, j'aimerais bien jouer ce spectacle dans les pays francophones, Belgique, Suisse et... Québec. Québec. Ça, j'ai dit à Montréal, mais... À Montréal, oui, mais il y a aussi la ville de Québec, c'est des très belles salles. Puis tu me diras à quel moment tu seras. Ah, c'est moi qui vais crier. Ouais. Puis fais-moi pas monter sur scène. Ah, d'accord. Et ce qui est marrant, c'est que je suis dans une troupe d'impro avec un Acadien. Ah oui! Qui? Il s'appelle Robert Brideau. OK. Super. Ah oui. Ben, l'impro, ça vient de chez nous. Ouais. C'est un super gars. Robert Gravel. Ouais. Tu connais toute l'histoire? De l'improvisation québécoise? Non. Robert Gravel, tu savais que c'était lui? Ouais, je savais que c'était lui, mais je connais pas toute l'histoire. Okay. Connais-tu l'hymne national? Non. De la Hélénie? Non. Ah, je vais te l'envoyer, ça vaut la peine. Ah ouais. Maintenant, mesdames et messieurs, si vous voulez bien rester assis et vous joindre à moi pour chanter ensemble la hymne nationale. Certains jours, le bon Créateur fit dire au peuple de la terre que chacun choisisse une fleur et qu'on envoie un émissaire. Qu'on soit exact au rendez-vous, chacun prendra la fleur qu'il aime. Cette fleur restera l'emblème du grand amour que j'ai pour vous. Le jour dit dans le paradis, les envoyés se rencontrèrent. La France vint choisir un lys, l'œil fut pris par l'Angleterre. L'Espagne est un frais liseron, l'Américain dahlia rose. L'Italien choisit une rose et l'Allemand un vieux chardon. Quand arrivèrent les Canadiens en mitouflé dans leur fourrure, hélas, il ne restait plus rien que les feuillages et les ramures. Saint-Pierre était plein de regrets. Il caressait sa barbe blanche. Je n'ai plus, dit-il, que ses branches. Tu peux regagner ta forêt. Mais Jésus, qu'on ne voyait pas, intervint d'un cœur secourable et allant choisir dans le tas, sortit une feuille d'érable. Et c'est depuis ce beau jour-là qu'un peu partout dans la campagne, sur la plaine et dans...